Ce matin, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet déclarait que le pic de contamination au Covid était en train de passer, que la pointe avait été dépassée, que le nombre de cas positifs était en train de diminuer doucement avec en ligne de mire le retour à des taux marginalement bas vers le début du mois de mars. Serait-ce enfin la fin de l'épidémie? On entend de plus en plus dire que ce variant Omicron pourrait tout compte fait être une bénédiction et faire régresser la pandémie au niveau d'une simple maladie endémique, c'est-à-dire une maladie qui circule avec un taux de létalité plutôt bas. Est-ce le cas? Apercevons-nous le bout du tunnel ou faut-il être plus prudent? Omicron, le début de la fin ou la fin du début? C'est le programme épidémique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de comprendre où nous emmène ce variant, s'il faut le combattre, comment et avec quels moyens, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Costagliola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, biostatisticienne et directrice de recherche émérite à l'INSERM. Et Samuel Alizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle à Montpellier. Auteur de Évolution, écologie et pandémie, c'est aux éditions du Seuil. Mais on commence par le tour de l'actualité épidémique et scientifique avec le Journal des Sciences, et c'est aujourd'hui avec Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Genetics qui identifie une variante génétique protectrice contre les formes sévères de Covid-19. Oui, plusieurs études avaient déjà montré qu'en plus de l'âge ou des comorbidités, la génétique pouvait avoir une influence sur le fait de développer une forme sévère du Covid-19. Ces premiers travaux montraient que les personnes porteuses d'un petit segment d'ADN, hérité des Néandertaliens chez la moitié des personnes hors d'Afrique, couraient moins de risques de faire une forme sévère du Covid-19. Afin d'identifier cette variante génétique spécifique, les responsables de cette nouvelle étude ont cherché des individus porteurs de certaines parties seulement de ce segment d'ADN. L'héritage néandertalien s'étant produit après l'ancienne migration hors d'Afrique, les chercheurs se sont concentrés cette fois sur les individus d'ascendance africaine qui n'ont pas l'héritage néandertalien en question et donc la majorité de ce segment d'ADN. Pourtant, et c'est là que c'est intéressant, un petit morceau de ce segment est identique chez les personnes d'ascendance africaine et européenne. Et c'est sur ce petit morceau que porte l'étude qui en arrive à la conclusion suivante. Les personnes d'ascendance africaine prédominante bénéficient de la même protection que celles d'ascendance européenne. C'est donc à cet endroit précis que se trouve une variante génétique spécifique très intéressante. Luis Quintana Murci est généticien des populations, professeur à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France. Il y a eu déjà plusieurs études, du même groupe d'ailleurs, d'Allemagne, de l'équipe de Svante Paabo, qui ont montré que notre héritage néandertalien, c'est-à-dire ce 2,5% d'héritage néandertalien qu'il y a dans nos gènes, d'une part peut nous protéger contre les formes graves de Covid-19, mais d'autre part, il y a aussi des cadeaux empoisonnés, il y a aussi certaines mutations qui sont présentes dans environ 16% des Européens, qui augmentent d'environ 60% nos chances de développer un Covid sévère. Cette étude, c'est une continuation d'une étude précédente qui déjà a montré qu'il y avait cette partie du chromosome 12 avec ces gènes qui s'appellent les OAS. Il y a trois gènes, les OAS 1, 2 et 3. Donc une étude précédente déjà montrait qui nous protégeait d'environ 22% de développer un Covid sévère. Et cette étude, il va un peu au-delà. Et comme il n'y avait pas qu'une mutation potentiellement associée au Covid sévère, mais plusieurs centaines de mutations, ils ont fait une étude chez les Africains qui ne présente pas toutes les mutations associées. Ils présentent qu'une mutation. Et en effet, ça leur a permis de montrer que c'est cette mutation précisément celle qui nous protège contre le Covid-19. Cette étude nous pointe vers un gène en particulier, parce que les études précédentes sur cette région du génome n'étaient pas claires, quel des trois gènes qui sont dans cette région génomique était responsable. Et cette étude montre clairement que c'est un gène qui s'appelle OAS1, et une mutation en particulier qui fait que la protéine est plus longue. Donc ce que ça montre, c'est que cette mutation qui fait une protéine plus longue est protectrice contre le Covid-19 et ça pourrait nous donner des pistes pour mieux cibler ce gène en particulier et éventuellement développer des traitements plus spécifiques pour la protection contre le Covid sévère. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est que cette mutation altère ce qu'on appelle l'épissage, que c'est la forme finale de la protéine, et cette mutation fait qu'il y a une forme finale de la protéine un peu plus longue. Dans quelle mesure cette protéine plus longue d'OAS1 est protectrice, ça sera sûrement l'objet de futures études. Voilà, vous pouvez retrouver hein, cette étude de Nature Genetics que nous avons postée sur notre fil Twitter @laméthodefc. Peut-être une réaction, Samuel Alizon, à cette étude qui vient confirmer quelque chose qu'on suspectait ou que différentes équipes avaient déjà pointé. Oui, et c'est vrai que sur le VIH, par exemple, de telles études ont été réalisées et ont montré aussi qu'on pouvait identifier certaines mutations qui sont associées à une plus grosse ou moins grande virulence de l'infection. Et là, il faut quand même souligner qu'avoir un tel effet sur une seule mutation au niveau génétique, c'est vraiment un effet très fort. D'habitude, on lutte un peu pour trouver plusieurs mutations qui, combinées, arrivent à avoir un effet sur le VIH. On est à 30%, donc c'est vraiment un gros résultat. Est-ce que ce type d'étude peut déboucher sur des solutions thérapeutiques ou peut aider à peut-être à concevoir des traitements ou faire avancer du côté de ce côté-là? Là, on sort un peu de mon domaine d'expertise, mais c'est certain que la virulence de l'infection, la Covid, en fait, vient d'une hyperinflammation, d'un emballement du système immunitaire. Donc c'est certain que de mieux comprendre les processus sous-jacents, ça offre des pistes. Dominique Costelliola, vous voulez réagir? Oui, en fait, peut-être, mais peut-être pas. C'est une piste de recherche et c'est difficile de dire s'il en sortirait quelque chose du point de vue très très important. Si on rebondit à nouveau sur... par exemple, une mutation bien connue dans le gène qui permet au VIH de rentrer dans les cellules. Finalement, il y a eu des traitements développés à partir de ça et qui n'ont pas finalement pris une place très importante au final, bien qu'ils soient arrivés jusqu'à l'AMM. Finalement, ils ne sont pas révélés extrêmement efficaces par rapport à d'autres approches qui avaient été suivies. Donc, au départ, quand on suit des pistes, il faut toujours les suivre, mais ça ne veut pas dire que ça va changer la donne. On vous retrouve dans quelques minutes à la fin du Journal des Sciences pour parler du variant Omicron. Et on passe au bref. Le Covid-19 toujours est une nouvelle plutôt rassurante. Le variant Omicron n'entraînerait pas une augmentation des formes graves de la maladie chez les enfants. Oui, et ce, alors même que plusieurs pays font état d'un nombre record d'enfants hospitalisés en raison de la propagation d'Omicron. Alors que cette situation a donné lieu à des affirmations selon lesquelles Omicron est plus susceptible de provoquer des maladies graves chez les enfants, une analyse de données provenant d'environ de la moitié des hôpitaux britanniques suggère que, par rapport au variant précédent, Omicron provoque des formes moins graves de la maladie chez les enfants infectés. La hausse des hospitalisations d'enfants serait due en premier lieu à la forte hausse des contaminations, mais aussi au faible taux de vaccination chez les plus jeunes ou encore pour les plus petits à l'absence d'une immunité liée à une infection antérieure. Selon une étude parue dans la revue Nature Medicine, on en sait plus sur la mystérieuse anémie spatiale qui touche les astronautes. Oui, grâce à une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université d'Ottawa qui combine l'analyse sanguine à celle d'échantillons de l'air expirés par 14 astronautes ayant fait un séjour de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Résultat, au cours d'une telle mission, le corps humain détruit environ 54% de globules rouges de plus qu'il ne le ferait normalement. Même si dans l'espace, avec le corps en apesanteur, ce phénomène n'est pas un problème, les effets de l'anémie se font sentir lorsque la gravité entre à nouveau en jeu et de façon relativement durable, puisque un an après leur retour sur Terre, le taux de dégradation des globules rouges des astronautes était toujours de 30% plus élevé qu'avant leur départ pour l'ISS. L'anémie spatiale pourrait donc avoir un impact sur les missions spatiales de longue durée, et ce d'autant plus que plus les missions sont longues, plus l'anémie provoquée est importante. Et enfin, toujours dans Nature, une étude qui affine la datation des plus anciens d'Homo sapiens en Afrique de l'Est. L'âge des plus anciens Homo sapiens d'Afrique de l'Est a toujours été sujet à débat. Jusqu'à présent, on estimait que les restes d'Homo sapiens retrouvés dans la formation d'Homo Kibich en Éthiopie avaient moins de 200 000 ans. Après une nouvelle datation des sédiments volcaniques qui couvraient ces fossiles d'Homo sapiens, les chercheurs de l'université de Cambridge sont arrivés à la date d'environ 230 000 ans. Or, étant donné que les fossiles humains ont été retrouvés dans des strates plus profondes que ces couches de cendres, on peut estimer qu'ils ont plus de 230 000 ans. Si cette étude propose un nouvel âge minimum pour l'apparition d'Homo sapiens en Afrique de l'Est, de nouvelles découvertes et d'autres études pourraient encore repousser l'âge de la présence de notre espèce en Afrique orientale. Merci beaucoup Antoine Beauchamp. On vous retrouve dans un instant pour le reportage du jour. Le variant Omicron est-il une plaie ou une bénédiction? Ce variant est désormais majoritaire à près de 90% en France, qui nous a emmenés dans une cinquième vague à des niveaux de contamination record jamais atteints lors des vagues précédentes. Ce variant est-il donc paradoxalement le variant qui annonce la fin de la pandémie et une sortie progressive de 2 ans de Covid et de restrictions? Comment expliquer que tant de monde soit contaminé malgré le taux de couverture vaccinale? Cela signifie-t-il que le vaccin n'est pas efficace, pas assez efficace, qu'il va falloir faire des doses de rappel tous les 6 mois, voire que c'est la vaccination qui amplifie cette cinquième vague, comme certaines personnes le disent? Que comprendre lorsqu'on entend dire que le variant Omicron est en train de transformer le Covid en maladie endémique, comme l'a déclaré le gouvernement espagnol? Voici un condensé de ce que vous avez pu entendre dans les médias ces derniers jours à propos du variant Omicron. C'est un montage signé Olivier Bétard. Vivre avec le virus, c'est le parti qu'a pris l'Espagne, qui s'apprête à considérer le Covid-19 comme une maladie du quotidien, telle que la grippe. Mais l'annonce divise. Nous devons nous habituer au virus qui va rester. Il faut faire attention, mais vivre avec. Et si cette propagation fulgurante du variant Omicron, annoncée par l'OMS, pourrait enfin être une bonne nouvelle? Car quelques semaines après son apparition en Afrique du Sud, les données convergent sur au moins 2 points. Omicron se propage certes beaucoup plus vite, mais il provoquerait des formes bien moins graves de la maladie. Pour l'Agence européenne du médicament, après cette vague, nous pourrions même apprendre à vivre avec le Covid-19. Avec l'augmentation de l'immunité dans la population et avec Omicron, il y aura beaucoup d'immunité naturelle en plus de la vaccination. Nous nous dirigerons donc vers un scénario où nous serons plus proches de l'endémicité. Deltacron, cette possible fusion des variants Delta et Omicron, interroge la communauté scientifique. Une équipe de chercheurs chypriotes affirme avoir identifié des cas de co-infection Omicron et Delta chez 25 personnes. Le profil génétique de ce variant serait proche de Delta, mais contiendrait également 10 mutations présentes chez le variant Omicron. Les séquences génétiques des différents échantillons ont été mises en ligne sur une base de données mondiale et sont en cours d'analyse par l'Institut Pasteur. Mais des scientifiques expriment des doutes sur l'existence de ce variant. Les séquences génétiques seraient le résultat d'une erreur de manipulation. Si ce que l'on pense est vrai, ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire, tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid, peu de quelques jours, une semaine, 10 jours après une injection. Voilà, un florilège de ce que vous avez pu entendre, florilège qui fait réagir mes deux invités du jour. Peut-être qu'on peut commencer par la fin, Dominique Costagliola. Hein. On a entendu la voix de Didier Raoult qui refait parler de lui avec cette déclaration fracassante comme quoi la vaccination serait à l'origine du surcroît de contamination au Covid. Enfin, si on prend le bon sens commun, tant de personnes vaccinées et une vague absolument énorme, on pourrait finir par penser ce que pense Didier Raoult. Pourquoi est-ce que c'est faux? Déjà, il a aussi dit que, en fait, dans les essais des vaccins, on n'avait pas montré les données tout de suite après la vaccination, et que, en fait, c'était parce qu'il y avait plus de gens vaccinés. Mais quand on regarde les articles, il y a des courbes avec la survenue des infections détectées chez les participants de ceux qui ont reçu le placebo et de ceux qui ont reçu le vaccin. Et pendant les 15 premiers jours, elles sont totalement superposées de chez superposées. On aurait voulu le faire, qu'on n'y serait pas arrivé. Donc, vous voyez, alors, il dit que ça n'y est pas alors que ça y est, et on voit les résultats et on comprend que pas du tout, ça ne se produit pas du tout. Donc, en fait, on est maintenant dans un... Il faut bien comprendre que le vaccin, il a été enregistré dans la prévention des formes symptomatiques. Et il n'a pas été enregistré pour la prévention de l'infection. Et il faut bien comprendre que la réponse immune qui permet de contrôler finalement les formes sévères, c'est une réponse immune qui est à la fois les anticorps et cellulaires. Et c'est quelque chose qui va toucher les organes, plutôt les organes profonds. Et ça, ça marche bien dans le vaccin. Mais en revanche, l'immunité muqueuse, l'immunité qu'il faudrait avoir dans le nez pour prévenir l'infection, ça, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir des taux d'anticorps à cet endroit-là extrêmement élevés et qu'on n'arrive pas aussi bien à avoir et surtout à garder dans le temps. C'est ça qui explique que, même vacciné, on peut être infecté, mais en général, si on a une bonne réponse immune personnelle, on ne va pas faire de forme grave. Bien sûr, ça ne sera pas le cas des gens qui sont immunodéprimés, soit à cause d'une maladie dont ils sont porteurs, soit à cause des traitements qu'ils reçoivent pour une maladie comme un cancer, par exemple, ou une insuffisance rénale. Et alors, eux, ils vont rester à risque de forme grave parce qu'ils n'ont pas un système immunitaire capable de monter une défense après avoir été vaccinés. Mais surtout en ce moment où au fond tout le monde autour de nous, tout le monde connaît des gens qui ont été infectés. Donc y compris des gens qui viennent de se faire vacciner parce qu'ils ne sont pas encore protégés et certainement pas de l'infection. Ça n'a absolument... Cette remarque anecdotique, si vous voulez, quand on fait les analyses sur l'ensemble des données de l'ensemble des personnes, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine protection contre l'infection qui n'est pas très élevée, et il y a une très très bonne protection contre les formes graves avec la vaccination. Et donc, aucun scientifique n'observe ce que dit Didier Raoult. Absolument aucun. Il faut reconnaître effectivement que quand on ne regarde pas les études, quand on n'a pas l'information scientifique appropriée, il y a cet effet un peu étrange de se dire on a vacciné une grande partie de la population et pourtant on est en train de traverser une vague à des sommets de contamination qu'on n'a jamais connus. Et ça demande à être encore une fois expliqué et déconstruit, Samuel Alizon. Oui, peut-être que, enfin, depuis le début de cette pandémie, en fait, ce qu'on vit nous en tant que scientifiques et notre rôle aussi, c'est pour ça qu'on est là, c'est que nos intuitions nous trompent assez souvent. On l'a vécu au tout début de l'épidémie, quand finalement le confinement est arrivé, la plupart des gens voyaient pas encore des services hospitaliers saturés et pour faire passer cette idée, par exemple, que quand vous avez une croissance exponentielle avec un temps de doublement de 3 jours. Vous allez prendre 3 jours pour passer de 100 à 200 personnes infectées, mais aussi 3 jours pour passer de 100 000 à 200 000. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Et donc, on est sur la lancée de cela. Ça s'est manifesté aussi quand les gens ont commencé à dire « Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes vaccinées en réanimation ?» Bah oui, si 100% de la population est vaccinée, vous aurez 100% des personnes vaccinées en réanimation. C'est à partir du moment où le vaccin n'est pas 100% efficace, il est extrêmement efficace, et je pourrais revenir là-dessus, mais je pense que du niveau de la médiation scientifique, c'est vraiment ça le point clé contre lequel on lutte depuis le début, c'est que, oui, nos intuitions, nos sens nous trompent, et on pourra en revenir, mais il y a peut-être une amplification de ce phénomène avec la diminution de culture scientifique, le fait que les matières scientifiques régressent, ont été supprimées, beaucoup d'heures ont été supprimées dans les collèges et les lycées, et donc voilà, on lutte un peu contre ça. On essaie de lutter contre ça à notre échelle en tout cas. Autre chose, et puis on va passer ensuite plus précisément à ce variant Omicron pour comprendre ce qu'on en sait, ce que on peut en dire et comprendre bien ce que ça nous annonce ou ce que l'on peut en déduire ou modéliser pour les prochains jours ou prochaines semaines. Mais Didier Raoult dit également, plus une population est vaccinée dans un pays, plus on recense un grand nombre de cas actuellement. C'est-à-dire que finalement, cette cinquième vague toucherait particulièrement les pays les plus vaccinés. Dominique Costagliola, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Les pays beaucoup vaccinés, c'est aussi les pays où on fait le plus de tests. Alors, vous voyez, par exemple, il y a des études réalisées en Afrique où on a l'impression que il ne s'est pas passé grand-chose. Et quand on fait des études sérologiques en Afrique, on s'aperçoit que 60%, c'était une étude qui datait du printemps dernier, au Burkina Faso, 60% des gens avaient été avaient eu des anticorps et donc avaient été infectés. Hein? Et néanmoins, il n'y avait pas eu ce nombre-là de cas qui avaient été déclarés. Hein? Donc, quand on utilise les données, il faut toujours comprendre comment elles ont été produites. Le nombre, il y a une étude au Royaume-Uni, que je cite parce qu'elle est vraiment très importante, réalisée toutes les semaines ou tous les 15 jours sur un échantillon représentatif de la population qui permet de faire des estimations, y compris au niveau géographique, au niveau de chacune des nations, donc Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, et dans lequel on va à la fois mesurer la sérologie, c'est-à-dire est-ce que les gens soit ont été vaccinés, soit ont été infectés. Ils ont des anticorps. Voilà, est-ce qu'ils ont des anticorps? Et puis, on va aussi mesurer l'infection. Donc, on va pouvoir dire combien de gens, quelle proportion de la population s'est infectée la semaine où on fait les prélèvements. Et avec cette étude-là, on voit bien que, y compris dans un pays comme le Royaume-Uni, on n'a jamais diagnostiqué, par les tests, plus de un tiers des gens qui étaient infectés une semaine donnée. Voilà. Donc du coup, vous voyez, le chiffre, il est très, très difficile à interpréter parce qu'il dépend complètement de quelle est la politique de test. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que il y a un nombre incroyable de biais et de choses trappes quand on veut corréler une donnée à une autre. Et quand bien même ensuite elle serait corrélée, ça ne prouverait pas que l'une est la cause de l'autre, bien entendu. Et qu'il y a une conséquentialité, bien sûr. Samuel Alizon. Oui, juste pour rajouter un point là-dessus, ce qui s'est passé, c'est intéressant là encore de revenir, tout ça n'est pas nouveau en fait. Et dès janvier 2020, un pays comme le Vietnam avait tout de suite réalisé qu'il ne pourrait pas absorber une vague épidémique. Contrairement à la France qui a très longtemps, trop longtemps, cru miser sur ses capacités de lit en réanimation, le Vietnam savait qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre vague, et donc ils ont opté pour une solution très stricte au début visant à contrôler la circulation. Et donc vous avez ce même effet qui est que les pays qui ont des structures de santé, des structures sanitaires, peuvent se permettre de laisser plus circuler l'épidémie, et ceux qui n'ont pas de service de réanimation sont bien forcés de la contrôler à moins d'une catastrophe sanitaire majeure. Donc on retrouve ces mêmes biais, encore une fois, il n'y a rien de nouveau, c'est les mêmes biais depuis 2 ans. Eh bien, nous continuons néanmoins à essayer de les détricoter pour que tout le monde ait ces éléments d'information-là. Un dernier mot rapidement, là aussi, Dominique Costagliola, Deltacron. Alors, ça fait nom de grand méchant de Marvel. Malheureusement, ça a fait la une de certains journaux télé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. D'après ce que j'ai entendu par les virologues, c'est le plus probable, l'explication la plus probable, c'est en fait une contamination lors de la réalisation des PCR. Donc, ça a l'air d'être redevenu calme sur ce front-là. Et en revanche, quand on regarde finalement le variant Omicron, on voit que c'est un variant qui a commencé à évoluer assez tôt finalement au cours de l'épidémie, puis qui a fini par accumuler tout un tas de mutations, et qui est assez différent finalement des différents variants qui avaient émergé jusque-là, et qui étaient quand même plus ou moins assez parents finalement les uns des autres. Donc voilà, ça paraît assez peu probable. Alors bien sûr, les recombinaisons sont possibles, la création de nouveaux variants est possible, mais que celui-là ait un intérêt quelconque, ça n'a pas l'air d'être confirmé pour l'instant. Ouais, et il y a déjà des recombinants, comme ça, comme on les appelle, c'est-à-dire des virus qui ont co-infecté non seulement la même personne, mais la même cellule, qui ont été documentés entre le variant alpha et d'autres lignées, donc c'est pas nouveau. Il est tout à fait possible que ça se produise en France. En fait, ça va se produire quand vous allez avoir une grande circulation de différentes lignées. Et en France, on a eu au même moment beaucoup de circulation de variants Delta et de variants Omicron. Au niveau individuel, il n'y a pas de risque avéré, il n'y a pas de, contrairement à la grippe où potentiellement il y aurait des problèmes avec ces co-infections. En revanche, si on se place d'un point de vue de biologie de l'évolution, là ça peut être un peu plus problématique parce que, on en reparlera peut-être, mais plus le virus circule, plus il évolue vite. En fait, chaque nouvelle infection, c'est une opportunité pour le virus ce n'est pas volontaire évidemment, mais chaque nouvelle infection peut générer de nouveaux mutants. Et la recombinaison, en tant que processus, accélère encore cette évolution. Donc ça peut être un problème au niveau évolutif, parce que la présence de recombinants, qui traduit une très forte circulation du virus, est un second moteur, en plus de la mutation, à l'évolution virale. On va continuer à discuter plus précisément de ce variant Omicron et de cette question, puisqu'on entend dans le débat public, dans les informations, beaucoup de gens dire, eh bien finalement, ce variant Omicron, c'est ce qui va nous permettre de sortir de l'épidémie, on peut le laisser circuler, on va arriver à une autre phase de la maladie, à une phase endémique. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On essaie d'y voir clair. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h25, nous parlons donc du variant Omicron en compagnie de Dominique Costagliola et de Samuel Alizon. Alors est-il la porte de sortie de 2 ans d'épidémie? À vrai dire, entre la généralisation de la vaccination, le croisement de la vague Delta et de la vague Omicron, la démultiplication des tests, il devient de plus en plus difficile de modéliser l'évolution de l'épidémie et de prévoir des scénarios. C'est pourtant ce à quoi s'attellent les équipes de l'Institut Pasteur. Antoine, rebonjour, vous êtes allé interroger le professeur Arnaud Fontanet pour comprendre comment il travaille dans ce contexte de plus en plus flou. Oui, j'ai parlé du rapport proposé par l'Institut Pasteur fin décembre sur les impacts possibles d'Omicron sur l'épidémie de Covid-19 avec Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste, chercheur à l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Basé sur les travaux de modélisation proposés par l'équipe de Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur, le rapport mis à jour le 7 janvier nous donne des pistes sur l'évolution possible de la vague Omicron en France. Mais avant cela, comme vous le disiez Nicolas, nous avons parlé des difficultés propres à ce variant Omicron pour pouvoir proposer une modélisation et des scénarios aussi plausibles que possible. Les difficultés propres finalement qu'on a rencontrées avec le variant Omicron, c'est qu'il était important de calibrer les modèles sur deux paramètres essentiels, qui étaient d'une part quelle était la sévérité intrinsèque d'Omicron par rapport aux prédécesseurs. On se doutait qu'il était moins sévère, mais jusqu'à quel degré? Et d'autre part, quelle était sa transmissibilité par rapport à ses prédécesseurs, et notamment Delta? Et ces deux éléments étaient vraiment importants pour pouvoir faire tourner les modèles. La difficulté qui s'est rajoutée là-dessus, c'est que finalement, quand on parle de sévérité, le variant Omicron infectant préférentiellement des personnes qui étaient déjà infectées ou déjà vaccinées, s'il apparaissait moins sévère dans les formes cliniques qu'il présentait, était-ce parce que intrinsèquement c'est un virus qui est moins pathogène pour l'homme que ne l'est par exemple Delta, ou est-ce que c'est parce que infectant des personnes déjà vaccinées, les formes sévères étaient moins fréquentes parce que on était sur le terrain de personnes vaccinées qui sont déjà protégées contre les formes sévères par le vaccin. Et il fallait finalement dissocier ces différents éléments pour pouvoir savoir quelle était réellement la sévérité intrinsèque de Omicron par rapport à Delta, indépendamment du fait qu'il survenait plutôt sur le terrain de personnes déjà vaccinées. Donc en résumé, on s'oriente vers un virus très transmissible et peu sévère par rapport à l'ensemble des scénarios qui avaient été initialement proposés. Aujourd'hui, les taux se resserrent un petit peu. Est-ce qu'on peut peut-être mentionner les grands axes et les grands scénarios qui avaient été mis sur la table dans le rapport de fin décembre? Alors, quand on regarde maintenant comment ça se traduit en termes de nombre d'infections par jour et nombre d'hospitalisations par jour, d'admissions à l'hôpital par jour, les taux se resserrent effectivement. On est à un pic qui devrait survenir à l'échelle nationale entre le 12 et le 19 janvier, par exemple, donc à la mi-janvier, pic à la mi-janvier à l'échelle nationale, sachant qu'il surviendra un petit peu plus tôt en région Île-de-France qui a été touchée la première, un peu plus tard dans d'autres régions, notamment le sud de la France, qui a été touchée par Omicron plus tardivement. Et ce pic, il se situe à des niveaux qui avoisinent à peu près 500 000 infections par jour, ce qui est considérable. Et puis, on a, pour les admissions à l'hôpital, on se dirige vers un pic qui aura lieu à peu près une semaine plus tard et qui pourrait être entre 2000 et 5000 admissions quotidiennes. Heureusement, on est avec des patients qui sont plus faciles à prendre en charge dans les hôpitaux, mais ça va quand même rajouter beaucoup de travail à des hôpitaux qui sont déjà surchargés par les patients Delta qui sont toujours hospitalisés, avec en plus un personnel hospitalier qui va être touché par Omicron et qui donc, il va y avoir de l'absentéisme. Donc vraiment, quelque chose de dur à supporter pour les hôpitaux, particulièrement dans le sud de la France, où les taux de remplissage des lits étaient déjà très élevés en raison du variant Delta. Ces chiffres que je vous donne, ils prennent en plus en compte le fait qu'on s'attend à ce que les Français diminuent d'à peu près 20% leurs contacts depuis le 3 janvier, parce qu'on s'est rendu compte avec les vagues précédentes que quand tout le monde a auprès de soi une personne qui est infectée, des gens qui sont en contact, eh bien les gens réduisent un petit peu eux-mêmes leur pratique à risque, hein, et donc diminuent leur contact. Et ces 20% de diminution, ils sont absolument essentiels parce que ça a permis de diviser par deux le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations par rapport à ce qu'on aurait eu si rien n'avait été fait. Alors, il y a eu des mesures gouvernementales, le télétravail, quelques autres mesures, mais qui ont été globalement assez légères. On peut là-dessus penser que les comportements individuels ont permis d'éviter des chiffres qui auraient été deux fois plus hauts et là extrêmement difficiles à supporter pour le système de santé. On a l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'au fil de la multiplication des variants, mais aussi de l'évolution de la situation vaccinale de la population, avec des personnes qui sont vaccinées, des personnes qui sont pas vaccinées, des personnes qui n'ont pas reçu leur vaccin de rappel, ou bien des personnes qui sont infectées, ça devient un vrai casse-tête pour vous qui proposez des scénarios d'évolution. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou bien est-ce que c'est objectivement plus compliqué de réaliser des modèles pour l'évolution de la pandémie ? Non, non, vous avez parfaitement raison et ça rend notre quotidien beaucoup plus difficile. Pour vous dire, en octobre 2020, quand on était dans le début de la deuxième vague, on savait qu'on allait de toute façon vers une situation qui nécessiterait des mesures fortes, type confinement, parce que 90% de la population était encore à risque et qu'en absence de mesures fortes, on ne pourrait pas stopper la vague épidémique. Donc pour nous, chercheurs, c'était finalement beaucoup plus facile pour les recommandations à faire de pouvoir, on avait des certitudes par rapport à ce qui allait se passer en absence de confinement et ça permettait d'avoir un message très clair. Là, dans le contexte d'Omicron, avec un variant qui est moins sévère, qui échappe complètement à l'immunité, la prise en compte de tous ces paramètres qui sont le risque par classe d'âge, d'avoir faire une forme sévère, mais qui va dépendre du type de vaccin que vous avez reçu, du nombre de doses, du délai depuis la dernière dose, du fait que vous avez pu être infecté ou pas, tous ces paramètres se rajoutent, rendent des estimations beaucoup plus difficiles. Et on se retrouvait dans les 12 premiers scénarios qui avaient été proposés par l'équipe de Simon Cauchemez, avec des situations qui étaient, entre guillemets, supportables, parce que ça va quand même très dur pour les hôpitaux, qui sont celles qui finalement vont se réaliser, mais des scénarios où les projections nous amenaient à des chiffres vraiment catastrophiques, qui du coup nous auraient amené à faire des recommandations beaucoup plus fortes pour le gouvernement. Mais on n'aime pas faire ces recommandations à la légère parce qu'on sait l'impact considérable que ça peut avoir sur la vie des Français, sur la vie économique. Et en fait, on a passé les 15 jours de la période des fêtes à travailler en permanence pour essayer d'affiner nos projections grâce à toutes les informations qu'on pouvait recueillir, à la fois de la littérature scientifique, mais avec les contacts qu'on avait avec les épidémiologistes et les cliniciens d'Europe et d'Afrique du Sud. Donc on a eu énormément d'échanges avec eux pour mettre d'un côté les données scientifiques, de l'autre côté, le vécu des personnes qui étaient en train d'expérimenter la vague Omicron. Ça a été très riche, très intense, énormément de travail. Et là, maintenant, on arrive dans une période finalement presque un peu plus facile pour nous parce qu'on sait mieux vers où on va. En revanche, c'est une période qui va devenir dure pour les cliniciens et pour les patients, malheureusement, qui vont maintenant être au cœur de la crise sanitaire qui arrive dans son développement très concret avec les patients qui rentrent dans les hôpitaux. Voilà, Arnaud Fontanet au micro d'Antoine Beauchamp. Une première réaction simplement à ce que vient de dire Arnaud Fontanet. Je précise qu'il était chez nos camarades de France Inter ce matin et qu'il est allé un tout petit cran plus loin puisque cette interview a été enregistrée en fin de semaine dernière, disant qu'a priori, le pic était derrière nous, que nous venions de le passer, que le nombre de contaminations quotidiennes était en train de décroître, mais avec, comme toujours, beaucoup de précautions. Dominique Costagliola. Oui, en fait, ce qui va se passer, ça va être assez gradué suivant les régions, parce que toutes les régions n'ont pas été touchées par Omicron de la même façon. Et par exemple, PACA, c'était la dernière région touchée par Omicron, et le système hospitalier était totalement engorgé, et l'est encore essentiellement à cause du variant Delta et pas du variant Omicron. Et donc l'essentiel de ce qui va se passer à l'hôpital sur Omicron est encore à venir pour PACA, donc ça va sans doute aller mieux en région parisienne d'ici la fin du mois de février à l'hôpital, mais ça sera peut-être même un peu plus tard dans des régions comme PACA. Mmh. Et aussi, on a une incertitude sur le fait qu'au fond, est-ce qu'il va rester du Delta ? Ça a bien baissé, maintenant c'est seulement de l'ordre de 10% des contaminations, mais vous voyez, avec 300 000 diagnostics par jour, sans doute beaucoup plus d'infections. 10% avec Delta, ça fait quand même 30 000, qui est un chiffre déjà très élevé. Et avec un variant que lui, personne ne qualifie de modéré. Hein, donc voilà, il faut bien penser qu'il y a encore ce poids qui pèse. Samuel, disons. Le premier point, ce qui me frappe le plus, et je voudrais souligner ça, c'est la difficulté en fait de faire des recommandations, parce que voilà, quand vous savez qu'après ça engage tout le pays, c'est vraiment très très délicat. Pour commenter là-dessus et peut-être mesurer un peu les propos d'Arnaud Fontanet, il y a deux choses qu'il faut garder, qui peut-être souligner des inconnus à ce niveau-là. Le premier, il l'a dit, c'est que cette baisse qu'on voit aujourd'hui en Île-de-France sur les dépistages, elle vient probablement avant tout des comportements individuels. Et ça, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que quand vous savez bien d'où vient la baisse, quand vous identifiez ça à une forte couverture vaccinale ou à des mesures très strictes, vous pouvez être confiant qu'elle va se prolonger. Là, à partir du moment où c'est des comportements individuels, vous êtes plus dans l'incertitude sur le futur. Et le second, c'est sur cette virulence dont il parle et sur laquelle il y a quand même encore beaucoup d'inconnus. Oui. Là, on voit en Île-de-France, encore une fois, pour le moment, et encore seulement la baisse dans les dépistages. Du coup, on ne peut pas attendre la baisse dans les admissions hospitalières avant une semaine. Ça repousse encore beaucoup au niveau national. Et tout ça pour dire que la vague hospitalière d'Omicron, en fait, on la voit pas encore. On en voit le début. Et à ce stade, c'est très difficile parce que, en fonction des différents pays, on a l'impression d'avoir des estimations de sévérité différentes. En Angleterre, au début, ils avaient tablé sur une division par deux de la virulence par rapport à Delta. Les Écossais, une division par trois. Aujourd'hui, Simon Cauchemez et l'Institut Pasteur, pour le développement des formes sévères amenant en réanimation, on est plutôt sur une baisse de 90%. Mais voilà, on est quand même beaucoup encore dans le flou et ça semble varier énormément en fonction des pays. Et malgré tout, ça reste difficile de différencier qu'est-ce qui est lié à la vaccination ou au fait d'avoir eu l'infection avant comment ça agirait chez quelqu'un qui n'a pas été vacciné et qui n'a pas été exposé au préalable, parce qu'il y a finalement il reste assez peu de gens dans cet état-là. Si je prends les chiffres, toujours l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, en Angleterre, qui a été la première nation du Royaume-Uni qui a été touchée par la vague Omicron, en octobre, à la fin du mois d'octobre, il y avait plus de 95,1% de la population qui avait des anticorps. Donc, soit qui avait été vacciné, soit qui avait été exposé. Et c'est un chiffre très élevé. Et ben, ça n'a pas du tout empêché la vague, et y compris l'augmentation des cas à l'hôpital et l'augmentation des décès. Hein. Donc, il faut rester assez prudent avec ça. Et aussi, on peut aller plus loin, c'est-à-dire même dans une situation où on a un taux de protection entre guillemets élevé, comme dans les chiffres que je vous cite, ça ne met pas à l'abri d'un nouveau variant qui à nouveau fait tout exploser. Et donc il faut rester aussi assez prudent sur le fait de se dire que il va pas y avoir de nouveaux variants qui vont émerger et qui vont encore causer des problèmes. Je crois qu'il est plus juste de dire qu'on ne sait pas. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement aujourd'hui, Samuel Lison, de dire si ce variant Omicron, on a entendu beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on a entendu et la diversité des propos qu'on a pu entendre sur Omicron est aussi porté par la volonté d'en sortir, et parce qu'on est au bout de deux ans et que tout le monde est épuisé et que tout le monde aimerait voir la fin, quitte à la convoquer parfois de manière un peu magique ou en tout cas de manière un peu irrationnelle. Néanmoins, aujourd'hui, on peut faire la part réelle de la baisse, parce qu'on lit 80% moins sévère, 80% plus transmissible. Ça a l'air un peu trop, ça a l'air d'être des chiffres un peu trop ronds pour être honnête. Est-ce qu'on sait ce qui est de la part vraiment de la baisse de pathogénicité ou, comme vient de le préciser Dominique Costagliola, du fait que la population n'est plus du tout naïve vis-à-vis du SARS-CoV-2? Oui, non, c'est un petit peu ce que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire que une des raisons qui font qu'on est mesuré vis-à-vis de la baisse exacte de la virulence, qui effectivement semble réelle, c'est toute cette diversité qu'on voit entre les pays. Aux États-Unis, par exemple, les admissions en réanimation suivent de très près les hospitalisations, alors qu'en France, il y a eu un découplage. Enfin, et là, c'est aussi le moment où il faut en fait faire confiance aux épidémiologistes des différents pays. C'est ce qui s'est passé pour l'Afrique du Sud. Peut-être revenir là-dessus, parce que en Afrique du Sud, finalement, quand c'est apparu, ils ont quand même repéré quelque chose d'assez fort dans les données. Ils ont quand même été à un relèvement du niveau des mesures nationales alors qu'ils sont en plein été. Donc, ça traduit quelque chose aussi de la sévérité potentielle de ce variant. Mais aujourd'hui, voilà, malheureusement, dans un mois, je pense que sur votre prochaine émission, vous aurez déjà des chiffres beaucoup plus clairs. Mais il faut souligner, parce que jusque-là, on parlait beaucoup du risque potentiel qu'un variant émerge qui ne contourne l'immunité. ça restait pour beaucoup un risque théorique. Le variant bêta était celui qui échappait le plus à l'immunité, mais ça restait mesuré, même pour les vaccins ARN, cet échappement était très minoritaire. Là, c'est la première fois qu'on a un variant qui fait la démonstration qu'un variant peut mettre à mal notre contrôle sur l'épidémie par de l'échappement immunitaire. Et en ça, je pense que c'est vraiment un des points à garder en mémoire. On entendait Arnaud Fontanet dire que le Omicron échappe complètement à l'immunité. Alors pas complètement, mais en tout cas très largement, Dominique Costello. Comme j'ai dit, il y a deux choses différentes, deux immunités différentes, immunité muqueuse et l'immunité. Alors, donc ça veut dire que oui, il est capable d'infecter des gens qui ont déjà eu la maladie ou qui ont déjà été vaccinés. Et même, on dirait bien, il est capable de réinfecter des gens qu'il a lui-même infectés au tout début de l'arrivée d'Omicron, puisqu'on commence à avoir les descriptions de réinfection Omicron-Omicron. Mais en revanche, sur les formes graves, la protection acquise a l'air de continuer à être quand même performante. Donc, il faut bien comprendre ces deux types. C'est pas la même chose, l'immunité muqueuse, l'immunité qu'on aurait dans le nez qui permettrait d'éviter l'infection, et l'immunité qui nous protège contre les formes graves. Et malgré tout, sur le côté tout va bien là, et puis c'est la dernière et tout ça, je rappelle qu'il y a quand même de l'ordre de plus de 200 morts tous les jours à l'heure actuelle, et je rappelle que c'est des gens, et que donc je pense qu'on est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Il faut rester prudent pour ne pas... Vous voyez, je pense que on en a tous marre, on a tous envie que ce soit la fin. Mais au fond, c'est probablement plutôt en adoptant des attitudes de moyen terme qu'on continuerait à avoir, et en relâchant ce qu'on peut relâcher, un certain nombre des dernières mesures qui avaient été prises, mais en ne misant pas que sur la vaccination pour y arriver, qu'on arriverait mieux à affronter un futur où il pourrait y avoir des nouvelles vagues, mais qui n'auraient pas l'impact qu'ont les vagues à l'heure actuelle. En ne misant pas que sur la vaccination, c'est-à-dire en misant sur quoi d'autre ? Les autres choses très importantes, c'est mesures de CO2, aération, ventilation. On en a beaucoup parlé pour les écoles, mais pas seulement. Je pense que, d'une façon générale, dans tous les lieux qui accueillent du public, y compris les lieux de travail, ça serait bien, et ça serait bien sûr un investissement, mais finalement, au regard du nombre de tests qu'on a dû faire là au cours des dernières semaines, pas tant que ça. Et aussi, ça permettrait aussi d'avoir une contribution d'abord à la qualité de l'air et aussi à la prévention des autres infections respiratoires. Donc il y a CO2, ventilation, aération, masques, et plutôt des masques plus efficaces et plus filtrants que des masques moins efficaces et moins filtrants. Donc FFP2 plutôt, pour voilà. Tout le monde. Et puis, même si on n'a pas d'études parfaites pour montrer que c'est mieux, finalement on s'aperçoit que c'est plus difficile de mal le mettre. Hein, une fois qu'on a compris que la barrette était en haut, pas comme certains, c'est plus difficile de mal le mettre. Et aussi, on peut les garder normalement plus longtemps avec un niveau de sécurité. Voilà. Et donc ça, faudrait que ce soit des choses un peu sur le moyen terme. Et bien sûr, la vaccination est très importante. Et il y a un contingent, et ce qui explique en partie, au fond, par exemple, quand on regarde au Royaume-Uni, y compris les 11-15 ans ont été pas mal touchés parce que la vaccination dans cette tranche, ils avaient ouvert aux 16-17 ans, mais pas aux 11-15 ans. Ça n'est qu'à partir du mois de novembre que ça a été ouvert, et la deuxième dose n'a été ouverte qu'en décembre. Et donc, on a vu aussi flamber les cas dans cette population-là. Et bien sûr, chez les moins de 11 ans. Mmh. Et donc, je pense que la vaccination, c'est un outil qui doit s'étendre aussi à ces classes d'âge, qui est très important, qu'il faut absolument pousser, et y compris pour les enfants. Je pense qu'avec les taux actuels qu'on observe chez les enfants, jusque-là, par semaine, on n'avait jamais approché 200 enfants hospitalisés par semaine. La dernière semaine, c'était 700. Un nombre aussi non négligeable d'enfants qui vont en réanimation. Un accroissement du syndrome inflammatoire multisystémique, qui est une des conséquences du Covid chez les enfants. Et c'est donc important pour eux aussi de pousser à la vaccination et d'aider à ce que cette vaccination se produise. On va continuer à discuter de ce variant Omicron. On va parler justement de la vaccination. On va parler de cette question. On l'a entendu en Espagne, dans la bouche de certaines candidates ou certains candidats également à l'élection présidentielle. Tout le monde souhaiterait que cette pandémie se transforme en maladie endémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça changerait? On en parle dans un instant. The Remedy de French 79, French 79 à 16h45 sur France Culture. Nous parlons du variant Omicron tout au long de cette heure en compagnie de Dominique Costagliola qui est épidémiologiste, biostatisticienne et directrice de recherche émérite à l'INSERM et Samuel Alizon, directeur de recherche CNRS au laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle à Montpellier. Alors Samuel Alizon, tout le monde souhaite, on l'a entendu hein, dans la bouche du Premier ministre espagnol, dire que ce Covid n'est plus en phase pandémique mais est en train de se transformer en maladie endémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'en plus de la grippe et de la gastro-entérite, on va avoir le Covid tous les hivers? Est-ce que c'est ça que ça signifie ou est-ce qu'il faut le comprendre un peu différemment? Oui, c'est pas très clair ce qu'ils avaient en tête, mais parce que par exemple, même une maladie comme la grippe, une infection comme la grippe qui revient tous les ans, donc on pourrait voir comme étant endémique, mais à des cycles, et donc on parle de pic épidémique en hiver. Une infection comme le VIH est endémique en France, donc on est loin de la bénignité. Et en tant que modélisateur, en fait, je dirais que l'endémicité, c'est aussi un statut où on arrive à finalement à prévoir d'une certaine manière la dynamique de l'épidémie. Et donc là, pour revenir sur ce que déclarait tout à l'heure Arnaud Fontanet sur votre antenne, on n'est typiquement pas dans un contexte endémique parce qu'on a justement beaucoup de mal à faire des prévisions en ce moment. Donc je pense que malheureusement, là encore, on aimerait que tout cela soit derrière nous, mais finalement, d'une certaine manière, l'émergence du variant Omicron vient plutôt remettre ça en cause. Parce que ce variant Omicron, quand on cherche les séquences actuelles, les virus actuels qui sont ses plus proches parents, pour remonter aux ancêtres communs, il faut remonter jusqu'à mars 2020 environ. C'est-à-dire que vous avez eu un virus qui a circulé de manière complètement en dehors des radars depuis début 2020. Alors, les virus de mars 2020 n'étaient pas dus au Omicron, hein, il a divergé, mais ça montre qu'il y a toute une circulation et toute une biodiversité finalement du SARS-CoV-2 qu'on sous-estimait et que finalement on ne connaît pas. Donc qu'est-ce qui nous met à l'abri qu'un autre variant, de même qu'Omicron, émerge brutalement et le remplace? C'est d'une certaine manière, voilà, Omicron vient plutôt nous inviter à prendre des précautions avant de signer la fin d'annoncer la fin de l'épidémie. Dominique Costagliola, ça veut dire que si un jour, est-ce qu'il est trop tôt déjà pour parler d'un changement de statut de la maladie? Je crois qu'il est trop tôt parce que endémie, ça veut dire que ça revient, c'est stable, relativement stable, et pendant des dizaines d'années. Donc déjà, ça fait pas des dizaines d'années, alors voilà. Et après, vous voyez, les grandes endémies mondiales, c'est l'infection à VIH, la tuberculose et le paludisme. Qu'on me dise que c'est bien, je veux bien être pendu. Ça, je vous entends. Mais alors, si on compare ça, par exemple, au modèle de graine, puisque vous parliez de vaccination, par exemple. Donc, on est, au troisième rappel. Certains pays passe et parle d'une quatrième injection, mais c'est extrêmement contesté. Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner tous les ans? Et alors, je vais là encore une fois citer des gens et des propositions qui sont faites dans l'espace public en cette période de campagne électorale. On entend certains candidats dire, mais à quoi ça sert de vacciner tout le monde? Il suffit de vacciner les plus fragiles et les plus âgés, et puis comme ça, on arrête d'emmerder le monde. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Chez les adultes, donc je vais citer des données de la première vague parce qu'il y a une référence, donc les gens peuvent aller chercher le papier et trouver la référence. On va peut-être même la mettre sur notre fil Twitter. Je pense pas que ça serait très différent si on regardait les autres vagues. Donc c'est à partir des données du PMSI, donc des hospitalisations en France. Le premier auteur est Ouattara et c'est publié dans le BMJ Open Respiratory Research. Eh bien, ils ont calculé quelque chose que dans notre jargon on appelle l'indice de Charlson de comorbidité. Et pour avoir zéro, il faut avoir moins de 50 ans et pas de comorbidité. Quelle est la proportion des personnes hospitalisées au cours de la première vague, c'est-à-dire jusqu'en juin 2020, en France, qui avait un index de Charlson à zéro? 43%. Quelle est la proportion des personnes hospitalisées en réanimation, donc des formes vraiment sévères, au cours de la première vague, en France, 37,5%. Les gens ne comprennent pas que avoir un facteur de risque augmente votre risque, mais si vous n'avez pas le facteur de risque, ça ne veut pas dire que votre risque est zéro. C'est-à-dire que votre risque est moindre que quelqu'un qui en a. Et, je rappelle, 43% des gens hospitalisés, on peut considérer à partir de là que c'est quand même des formes sévères, avaient moins de 50 ans et aucune comorbidité. Qu'en est-il chez les enfants? Chez les enfants, c'est plus élevé. Donc le travail n'est pas publié, il est en cours par les mêmes équipes. Ils ont 70%, donc ils n'avaient pas de comorbidité, puisque bien sûr, eux, ils n'ont pas le critère d'âge, hein, puisqu'ils ont tous moins de 50 ans, bien sûr. Mais 70% n'avaient aucune comorbidité. C'est aussi à peu près les chiffres que l'on retrouve dans le rapport de la HAS sur la vaccination des 5-11 ans. Sur les 5-11 ans, 75% des enfants de 5 à 11 ans qui ont été hospitalisés n'avaient aucune comorbidité. Donc, croire que si on n'a pas de comorbidité, on n'est pas à risque, eh bien, c'est une croyance, mais elle n'est pas exacte. Et on a vu aussi, si on veut citer des exemples, plein d'exemples de personnes qui effectivement étaient jeunes et en bonne santé et qui ont quand même fait des formes graves. Donc ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, quand on regarde même pour une infection contre la grippe, chez nous, on vaccine les personnes à risque, mais dans d'autres pays, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, on vaccine aussi les enfants. Parce que ça conduit aussi à des formes graves. Voilà. Donc voilà, les choses. Croire ça, c'est une fausse. C'est basé sur la croyance, confondre. Pas de facteur de risque égale pas de risque. Non. Pas de facteur de risque égale moins de risque, mais pas de risque. Samuel Lison, sur cette question, des laboratoires préparent un vaccin spécial Omicron qui doit être disponible en mars. Une fois de plus, si ce vaccin est moins virulent, si on en meurt moins, est-ce que ce nouveau vaccin va servir à quelque chose ou est-ce que c'est une fois de plus l'industrie pharmaceutique qui s'emballe et qui profite de l'opportunité pour engranger un maximum de profit? Alors, je voudrais quand même bien revenir d'abord sur ce moins virulent, parce que les comparaisons se font par rapport à Delta, et ce qu'on a vu depuis le début de l'épidémie, c'est que les variants qui étaient plus contagieux, Alpha et puis Delta, étaient aussi de plus en plus virulents, et on estime que Delta était de l'ordre de deux fois plus virulent que les lignées ancestrales. Donc, quand on dit que c'est, mettons, deux fois moins virulent que Delta, on est de retour à ce qui a conduit, voilà, à 2020. Donc, il faut vraiment prendre des précautions là-dessus. On est toujours... On pense, il y a beaucoup d'inconnus. C'est vrai que là, le temps de la recherche scientifique est extrêmement réduit. Enfin, on est sur des échelles de temps où évidemment, les inconnus sont immenses. Mais on est sur quelque chose qui reste 5 à 10 fois plus virulent que la grippe. On sait aussi maintenant que la réponse immunitaire s'amenuise au cours du temps. On en a un exemple même indépendamment des variants. Les variants, évidemment, amplifient ça. Et sur les vaccins, enfin, d'une certaine manière, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. On a une chance extraordinaire avec ces vaccins. Alors après, se pose la question des brevets, des profits faramineux qui sont faits par l'industrie pharmaceutique et du fait que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Mais initialement, les premières discussions dans les groupes de modélisation en 2020, c'était déjà, on n'espérait même pas que les vaccins puissent empêcher la transmission, puissent empêcher l'infection. On visait juste une protection contre les formes sévères et on espérait des vaccins qui dépassent 70% de protection contre les formes sévères. On a eu des vaccins qui dépassent les 90% de protection contre les formes sévères et qui, en plus, divisent à peu près la circulation virale par 4. Vous divisez le risque d'infection par 2, vous divisez la transmission par 2. C'est important de le rappeler parce qu'on entend aussi beaucoup dire que le vaccin ne sert à rien puisque il n'empêche pas de se contaminer et que du coup... Il réduit le risque. Voilà. C'est important de le préciser parce qu'on entend beaucoup dire que ça ne sert à rien puisque finalement on peut quand même porter le virus. Et sur le schéma, je voudrais quand même préciser que d'habitude, quand on développe un vaccin et qu'on a le temps, on réfléchit de dire quel va être le schéma. Et le fait d'avoir un schéma de dose rapprochée puis une dose à distance, c'est très courant. C'est ce qu'on a par exemple pour tétanos polio, c'est ce qu'on a pour l'hépatite B, c'est ce qu'on a pour le pneumocoque quand on vaccine les enfants. Donc ça, c'est pour des raisons immunologiques, justement parce que la troisième dose un peu à distance, en fait, elle renforce la réponse cellulaire, celle qui va jouer sur les organes profonds et qui est très importante, là, par exemple, pour prévenir les formes graves. Hein. Donc, finalement, il est probable que le schéma vraiment, même s'il n'y avait pas l'immunité qui disparaît, le schéma optimal serait probablement deux injections rapprochées puis une troisième à distance. Est-ce qu'il y a besoin d'une quatrième? C'est assez contradictoire ce qui vient, par exemple, d'Israël en termes de données. Mais au moins, comme depuis le début, on aura des données pour voir si ça fait ou pas de la différence. Hein, les données qui étaient venues de chez eux pour montrer le bénéfice clinique de cette troisième dose étaient assez claires, finalement. Donc ça, on va le savoir. À quel rythme? Comme on ne sait pas dire finalement est-ce que de nouveaux variants vont émerger et à quel rythme, c'est difficile de savoir. Et dans la course où savoir est-ce qu'il faut faire des vaccins adaptés à chaque nouveau variant. Mais les labos, vous savez, ils ont développé des vaccins variant bêta, par exemple. Finalement, le variant bêta, plus personne n'en parle. Donc, vous voyez, le temps qu'ils le développent, même si c'est très rapide, et qu'ils le valident, même si on ne leur demande pas de faire des grands essais à 40 000 personnes, mais il faut quand même montrer qu'il y a une réponse immune, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, vous voyez, d'ici mars, peut-être que Omicron, ce ne sera plus du tout dans le paysage. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'il en est, de savoir quelle sera la prochaine étape au niveau de la vaccination, en fait, je trouve. Et dernière question, Samuel Lison, pour conclure, le Graal, c'est-à-dire un vaccin, on parle de vaccin par pulvérisation nasale qui permettrait d'éviter de se contaminer, c'est-à-dire de ne plus tomber malade, c'est-à-dire qui arrêterait la circulation du virus, c'est envisageable ou c'est une chimère? C'est peut-être envisageable, mais je pense qu'il faut, Dominique Costagliola l'a rappelé tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que le vaccin est un type d'intervention parmi d'autres et que, en ce moment, en particulier en France, on a peut-être trop tendance à s'en remettre au vaccin à tout prix, quitte à laisser circuler énormément le virus et à saturer. Aujourd'hui, c'est les services hospitaliers qui vont payer le prix de cette stratégie et qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres options. On n'a pas eu le temps de parler des traitements, mais ça pourra potentiellement être une option dans le futur. Mais ne serait-ce que les interventions qu'on qualifie de non pharmaceutiques, tout ce qui est améliorer la qualité de l'air, le port du masque, même le suivi de contact, où en France, il pourrait y avoir un gros effort qui pourrait être mis là-dedans, évidemment en période de circulation moins intense. Voilà, il faut garder, il faut essayer de développer toute une palette de réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse miracle. Ne pas se baser que sur la biologie, utiliser toutes les armes à notre disposition pour lutter au mieux contre cette épidémie. Et nous parlerons, promis juré, dans une émission très prochainement, des médicaments contre le Covid, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont développés et qui semblent être très efficaces et d'être une arme supplémentaire dans la lutte contre cette maladie. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler et nous remettre les idées au clair sur ce variant Omicron. Merci Dominique Costagliola, Samuel Lison. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Évolution, Écologie et Pandémie, c'est aux éditions du Seuil. La méthode scientifique, c'est Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Dimitri Paz à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Pour toujours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.